Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le pillage du patrimoine culturel de l'Afrique ou l'affaire des biens mal acquis du musée du Quai Branly. Un jour de 2009, le président sénégalais Abdoulaye Wade décide d'ériger à Dakar un grand musée des civilisations noires, une idée vieille de 40 ans lancée par l'ancien président Léopold Sédar Senghor. En 2016, le bâtiment sera enfin de terre, mais ne ressemble aujourd'hui encore qu'à un écrin vide. Et pour cause, 90% des pièces majeures de l'art africain, dit classique, se trouvent hors de ses frontières. Certaines d'entre elles peuplent le musée du Quai Branly à Paris, là où dialoguent les cultures, comme le programme proclame son slogan. Un dialogue, en réalité empreint d'une histoire douloureuse et violente. Ici, dans les dédales du musée voulu par Jacques Chirac, les arts premiers témoignent tout à la fois d'une culture passionnante et d'une barbarie, celle de la colonisation et de l'appropriation culturelle, des expéditions scientifiques et de l'assimilation forcée. Aujourd'hui, l'Afrique demande la restitution de son patrimoine spolié, une forme de réparation, de réconciliation. Peut-être, mais comment procéder? Et d'ailleurs, faut-il le faire? Notre invité aujourd'hui, Didier Rickner, historien de l'art, directeur de la rédaction de la Tribune de l'art.com et co-auteur du livre intitulé « La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses », publié chez Hazan en 2011. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En montrant qu'il existe d'autres manières d'agir et de penser, d'autres relations entre les êtres, d'autres rapports au monde, le musée du Quai Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. Et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que s'entrevoit l'universel qui nous rassemble. Mardi 20 juin 2006, 37 Quai Branly, Paris 7e. Ce matin-là, devant un parterre prestigieux allant de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss au secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le président Chirac inaugure le musée du Quai Branly, son musée pour ainsi dire. Consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, il est pour lui l'aboutissement de 10 ans de travail et d'une passion sincère pour les cultures non occidentales. À travers le Quai Branly, Chirac sanctuarise une certaine idée de la diversité, défendue de tribune en sommet, et veut rendre, dit-il, toute leur dignité à des peuples trop souvent rejetés, rabaissés, parfois anéantis par l'arrogance et l'ignorance. Tonnerre d'applaudissements. Arrive alors le moment de la visite guidée par le président lui-même, tout sourire. C'est qu'il a fière allure, son musée. Idéalement situé à 2 pas de la tour Eiffel, il s'ouvre par une longue savane tracée par le jardinier Gilles Clément, un bois sacré de près de 2 hectares, planté de lianes, de magnolias, d'érables et de chênes. Derrière se dresse le bâtiment principal, imaginé par Jean Nouvel, structure métallique constellée de culs multicolores. Pas de monumentalité ni d'entrée triomphante, non. Un musée aux allures de voyage initiatique, comme l'explique l'architecte au micro de France Culture en 2008. Alors je pense qu'on était là face à une question difficile, c'est-à-dire que accueillir des objets liés à des civilisations qui ont peu de points communs avec nous, qui ont d'autres croyances, qui sont nées dans des territoires et des géographies qui en général sont celles des îles, des déserts et des montagnes, c'était très difficile à accueillir au milieu d'un bâtiment parisien. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer d'abord un territoire d'accueil, une sorte de sas, comme ça, c'est ce grand jardin, et de créer ensuite une grande galerie dont les harmonies chromatiques, les échelles, fassent en sorte que ces œuvres puissent se retrouver dans un milieu aimable. À l'intérieur, pendant près de 2 heures, le président et maître des lieux entraîne ses nouveaux visiteurs le long d'un corridor sinueux qui traverse 4 grands espaces, soit autant de continents, Europe exceptée. 3500 objets sont exposés, regroupés par croisement de thèmes, de matériaux et de régions, plutôt que par style ou ethnie. Masques, parures, totems, costumes, armes et instruments de musique, le nouveau musée de ce livre, un subtil jeu d'accumulation esthétique et mystérieux. Ce qui n'est pas pour déplaire au véritable initiateur du lieu, le collectionneur et marchand d'art Jacques Kerchach. Personnage pittoresque, baroudeur intello et sulfureux, c'est en 1992 qu'il rencontre pour la première fois Jacques Chirac, alors maire de Paris. Entre les deux hommes, amateurs d'art lointain, c'est le coup de foudre. Très vite, Kerchach fait part à son nouvel ami de son vieux rêve. Que les arts premiers entrent au Louvre. Emballé, Chirac en fera une affaire personnelle. Et 8 ans plus tard, en l'an 2000, le pavillon des sessions consacré aux arts dits primitifs est inauguré. Devenu président de la République, Jacques Chirac comprend alors qu'il faut prolonger le geste symbolique en créant un musée entièrement dédié aux arts premiers. 6 ans et 232 millions d'euros plus tard, c'est chose faite avec l'inauguration du musée du Quai Branly. Le 23 juin 2006 à l'aube, les premiers visiteurs se bousculent déjà devant les hautes palissades de verre qui entourent le bâtiment. Plus de 2 heures en file indienne pour découvrir reliquaires, masques, ignames, statues d'Ogon, bas-reliefs du Dahomey ou vêtements esquimaux en peau de saumon. À la sortie, si certains se plaignent d'une lumière exagérément tamisée, l'enthousiasme est général, comme en témoigne ce micro-trottoir réalisé par France Inter. Je suis fanatique, je suis passionnée, je trouve que cet endroit est superbe, c'est un paquebot qui fait rêver. Je pars à Londres dans quelques heures, j'ai arrangé mon voyage uniquement pour être à l'ouverture ce matin. Moi j'étais là à 8h30 ce matin, je serais même venue à 7h du matin. J'ai entendu dire que Chirac était rentré au musée, alors je venais voir dans quelle vitrine il l'avait mis. On est venu de Normandie. Je viens de Marseille. Je suis du Vanuatu. Ah ouais, je suis à côté, donc je viendrai bien une ou deux fois par an. On a été... très, très, très intéressé, très ému, et puis on va revenir beaucoup. C'est un musée qui est vraiment très très beau, très réussi. La mise en espace, la mise en lumière, la mise en valeur est extraordinaire. C'est émouvant de voir toutes ces cultures enfin réunies. C'est trop beau, c'est trop beau. Succès populaire et médiatique, le nouveau musée Enfant Chéri de la Chiraki semble faire l'unanimité, jusqu'à en faire oublier les violentes polémiques qui ont émaillé sa genèse. La valse hésitation sur le nom de l'institution n'est elle-même le résumé. Longtemps nommé musée des arts premiers, il est finalement baptisé le Quai Branly, une neutralité qui évite de trancher. Car de quoi, ou plutôt de qui, parle-t-on? Qui sont ces peuples premiers, primitifs, autochtones, dont on va admirer le génie créateur? D'où viennent ces 3500 objets exposés et magnifiés auxquels s'ajoutent quelques 300 000 autres stockés dans les réserves du sous-sol? Plus que tout autre musée français peut-être, le Quai Branly est l'héritier d'une longue histoire. Celle d'une épopée scientifique, artistique et éminemment tragique. Car ici, trône, derrière les vitrines lustrées, érigées sur piédestaux, des trophées de guerre, pour la plupart, vestiges de notre passé colonial. La trace aussi de civilisations anéanties. Dans l'espace muséal consacré à collections d'Afrique, vous tomberez peut-être sur les trésors de l'ancien royaume du Dahomey, situé dans le sud-ouest de l'actuel Bénin. Trônes, tentures, bas-reliefs, portes de palais, sceptres royaux, autels portatifs, bijoux, statues anthropomorphes, sur les quelques 70 000 œuvres d'Afrique subsaharienne. Le Quai Branly conserve 4 600 objets béninois. Une collection exceptionnelle, constituée en grande partie durant l'époque coloniale. Pourtant, sous les œuvres, il n'y a qu'un bref écriteau, don du général Dodds, une histoire d'appropriation et de donation vite résumée. En vérité, qu'est-ce qui a justifié à l'origine la migration de ces objets en France ? À la fin du XIXe siècle, alors que la France contrôle les grands ports de la région comme Cotonou et Porto Novo, lieu majeur d'exportation d'esclaves, le nouveau roi du Dahomey, baptisé Béanzine, résiste farouchement à l'envahisseur. Pendant des années, il tient en échec les armées coloniales françaises et se compare lui-même au requin en furie qui trouble la barre. Combat de David contre Goliath, en 1892, là, de ce roi insoumis, les troupes du général français Alfred Olds lancent l'assaut sur le royaume du Dahomey. 2 ans plus tard, en 1894, le roi Béhanzine est destitué, puis déporté en Martinique. Son palais est mis à sac, ses trésors sont pillés. Le royaume est intégré à l'Afrique occidentale française comme colonie du Dahomey. Je ne regrette qu'une chose, c'est que le feu n'ait pas gagné les cases de l'état-major. Tu comprendras mon dire lorsque je t'aurai dit que ces messieurs s'évanouissent sur toutes les belles choses que l'on trouve dans les cachettes. Il est expressément entendu que tous les objets trouvés seraient partagés à la fin de la colonne, mais je t'assure que les quelques bracelets, objets d'art, armes rares ou bizarres sont mis de côté par l'état-major. En effet, rares sont les témoignages de ces prises de guerre, si ce n'est une lettre, cette lettre que vous venez d'entendre, signée de l'aide-commissaire François Michel, datée du 19 janvier 1894. Parmi ces trophées de guerre, les plus belles pièces, 27 exactement, sont restituées aux institutions françaises, puis exposées au musée d'ethnographie du Trocadéro. Érigée en 1878, lors de la dernière exposition universelle, ce musée est destiné à présenter l'histoire des mœurs et des coutumes des peuples de tous les âges. Mais en réalité, il a plutôt tendance à valoriser les territoires conquis. Geste politique donc, les objets pillés du royaume de Dahomey glorifient les victoires coloniales et l'idéologie du progrès, style « voyez à l'autre bout de la terre, une monarchie de sauvages est tombée ». Si à ses débuts, le musée d'ethnographie parisien connaît un certain succès, il tombe rapidement en désuétude. Faute de moyens et face à l'afflux constant de nouveaux objets des colonies, l'institution finit par ressembler à un cabinet de curiosité, à un bric-à-brac exotique et poussiéreux. En 1907, le peintre Pablo Picasso, en visite, se souvient avoir été déprimé par l'odeur de moisi et d'abandon qui y régnait. N'empêche, ce fut le choc et la révélation. Et à partir de là, l'art dit primitif ou primitivisme s'immisce dans le cours de l'histoire de l'art moderne. Explication du conservateur René Salanon au micro de l'ORTF le 15 novembre 1964. C'est vers 1905-6 que l'art noir a intéressé quelques jeunes peintres, objets du scandale, peintres dévoyés, comme on les appelait à cette époque, Vlaminck, Derain, Picasso, Matisse. Et l'art noir a forcé l'attention occidentale par le scandale. Ce que ces jeunes peintres cherchaient, c'était une réponse à leur inquiétude. Ils ont trouvé dans ces pièces un inventaire, en quelque sorte, de solutions plastiques à une inquiétude qu'ils portaient en eux. Ils étaient dans une période de mutation et, de ce fait, ils ont trouvé là des réponses. Vantés, popularisés par les artistes d'avant-garde, les masques et statues africaines, appelées péjorativement fétiches, entrent ainsi dans le marché de l'art. La demande créant l'offre, les opérations militaires et les pillages se multiplient. Curieux paradoxe tout de même, le primitivisme, révolution artistique sans précédent, est donc le résultat des guerres coloniales, mais aussi celui de l'émerveillement d'artistes comptant parmi les plus virulents contempteurs de la colonisation. Les arts africains sont monnayés, valorisés, muséifiés et bientôt étudiés sous toutes les coutures. Une aventure scientifique dont le Quai Branly est aussi l'héritier. Pour moi, ce fut la plus belle sensation à l'ex, à l'ex, à l'exposition. Les années 30 marquent le début des grandes expéditions ethnographiques en Afrique subsaharienne. La plus célèbre d'entre elles s'appelle la mission Dakar-Djibouti, dirigée par l'ethnologue français Marcel Griaul. Missionné par l'État en 1931, année, rappelons-le, de la plus grande exposition coloniale à Paris, son but officiel est de compléter les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro et de créer enfin une vitrine savante de la colonisation finie, le bric-à-brac exotique. « nous avons l'indique, la mission Dakar Djibouti parcourt le continent africain d'ouest en est sur quelques 20 000 km du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Pendant 2 ans et demi, l'équipe est scientifique, composée de linguistes, d'ethnographes, musicologues, naturalistes ou encore photographes, récupère plus de 3 000 biens. Des objets du quotidien, des vêtements, des bijoux, des masques, des sculptures. Sur le terrain, la collecte prend différentes formes. Tantôt achetées, réquisitionnées, parfois volées. On retrouve la trace de ces méthodes d'acquisition dans les écrits de Michel Léris, secrétaire archiviste de la mission Dakar-Djibouti. Il titrera un livre d'ailleurs, « L'Afrique fantôme », publié en 1934. Extrait. Les méthodes de collecte des objets sont, 9 fois sur 10, des méthodes d'achat forcé, pour ne pas dire de réquisition. Tout cela jette une certaine ombre sur ma vie et je n'ai la conscience qu'à demi tranquille. Car j'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. On pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. La mission Dakar-Djibouti revient et devient ainsi une formidable entreprise de pillage pour constituer les collections des musées français. Car quelle que soit la méthode utilisée, les rapports de force entre les Français représentants de la puissance coloniale et les populations indigènes sont forcément inégaux. Très souvent aussi, les populations autochtones n'ont pas conscience de la beauté de toutes ces œuvres. Ce ne sont pour elles que des objets fonctionnels ou cultuels. Les cas de réquisition les plus documentés concernent le Soudan français, l'actuel Mali, avec notamment les masques et les fétiches d'Ogon ou Boli. Ces objets à valeur religieuse et sacrée fascinent les ethnologues. De retour de l'Afrique fantôme, elles prennent place aux côtés des trésors du royaume de Dahomey, pillés 30 ans plus tôt. Mais l'approche a changé, le musée aussi. Le nouveau directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, le médecin et anthropologue Paul Rivet, est chargé de repenser l'institution et cette mission Dakar-Djibouti de 1931 à 1933 en constitue la première pierre. Les autres viendront 5 ans plus tard. En 1938, le musée de l'homme est inauguré au même endroit, au Trocadéro, mais dans les bâtiments tout neufs du palais de Chaillot. Rivet, avec Georges-Henri Rivière, concepteur d'une muséographie ultra-moderne, réussit là un tour de force, là, effectivement, où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il invente le concept de musée-laboratoire, un endroit où l'on va collecter sur le terrain, où l'on étudie, publie, enseigne, conserve et expose le fruit de ses recherches. Commence alors la glorieuse époque du musée de l'homme, comme l'explique quelques années plus tard, en 1956, Paul Rivet lui-même, au micro de RTF. Le musée de l'homme, c'est une œuvre qui est mienne. Ce que j'ai voulu, c'est précisément de mettre à la disposition du grand public, à la disposition des masses, même de l'homme inculte ou de l'enfant, qui entre dans un musée sans préparation, la possibilité de s'enrichir et d'acquérir des connaissances sur toutes les populations du monde, dans le temps et dans l'espace. Le succès a été considérable, et à l'heure actuelle, je puis dire que cette conception synthétique de la science humaine est en train de se répandre à travers le monde, et le mot lui-même a eu une singulière fortune. Musée de l'homme, cela parle directement à l'esprit, et tout le monde le comprend. Et puis plus rien. Comme le musée d'ethnographie du Trocadéro, le musée de l'homme tombe en désuétude, privé de crédit et rongé par les divisions internes. La décolonisation, amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle aussi a fait son œuvre. Alors, en 1996, lorsque le président Chirac annonce la création d'un établissement consacré aux arts premiers, il propose de transférer le fonds ethnologique du musée de l'homme au futur Quai Branly, soit 80% des pièces exposées. Ethnologues et anthropologues, dont le célèbre Jean Rouge, protestent par tous les moyens. En 1997, par exemple, le généticien André Langanet, directeur du laboratoire d'anthropologie biologique, pose pour la revue Science et Avenir dans le plus simple appareil, un crâne préhistorique dans une main et un singe sur l'épaule. le tout avec le slogan « Plutôt à poil que sans musée ». Mais rien n'y fait, tout est scellé. En mars 2003, le départ des caisses contenant les 285 000 objets du département ethnographique du Musée de l'Homme crée un profond traumatisme et une polémique qui perdurera jusqu'à l'ouverture du Quai Branly 3 ans plus tard. Le 17 octobre 2006, l'ethnologue Bernard Dupeigne le confie au micro de France Inter dans l'émission « Là-bas, c'est j'y suis ». Le fait qu'on nie notre travail nous choque et aussi le résultat. Il y a un alignement d'objets dans des vitrines, un petit peu comme c'était chez nous. C'est le principe d'un musée, des vitrines bourrées d'objets. Mais nous essayons de donner des indications. On avait le souci d'essayer de faire comprendre la vie des gens. On mettait des photos, on mettait des explications, insuffisantes bien sûr dans certains cas. Tandis qu'au Quai Branly, c'est un petit peu une accumulation de belles pièces sans explication, sans photos, avec des toutes petites étiquettes. Et tous ces objets sont un petit peu ravalés au même état. Donc des beaux objets, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Et je pense que les gens sont déçus, parce qu'ils veulent savoir à quoi servent tous ces objets. Ils ne veulent pas simplement les regarder, mais ils veulent les comprendre. Une parole bien peu audible en vérité à l'heure où le musée du Quai Branly connaît un large succès en France. Mais bientôt, de nouvelles voix discordantes venues d'Amérique et d'Afrique se font entendre jusqu'à faire trembler l'institution. Alors, faut-il restituer à l'Afrique les biens mal acquis de la colonisation ? Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou. M'a peint le visage, son gris-gris me suit. Oh, son des tam-tams, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Africa. Je danse pieds nus sous un soleil rouge, les dieux à genoux ont le cœur qui bouge. Le feu de mon corps devient un rebelle, le cri des gourous a déchiré le ciel. Si on avait demandé aux Marx Brothers un musée des peuples de couleur, il ressemblerait sans doute à la galerie des collections permanentes. Une jungle hantée, rouge, noire et ténébreuse, remplie d'objets choisis et disposés sans la moindre logique intelligible. Pensez à ce musée du Quai Branly comme une sorte de ghetto de l'autre. Un mot qui appartient désormais au vocabulaire de Monsieur Chirac. Et le colonialisme a fait place à une toute nouvelle espèce française de condescendance. Cet article est signé du journaliste américain Michael Kimmelman pour le New York Times. Publié le 2 juillet 2006, soit 2 semaines après l'ouverture du musée du Quai Branly à Paris, il s'intitule « Au cœur des ténèbres, dans la ville lumière ». Le reste est à l'avenant, une virulente critique reprise d'ailleurs par d'autres journaux à l'étranger comme le Times de Londres. On peut y lire « Ce bâtiment ne trouve jamais sa solution. Incohérent, bourré de doutes et d'indécision, c'est une épitaphe parfaite pour Jacques Chirac. » Pour l'heure, le président n'est pas mort, il n'a que faire des censeurs étrangers. En France, l'inauguration de son musée le 20 juin 2006 est un vrai succès, porté au nu par les médias et par le public. Bien. 10 jours plus tard, pourtant, une tribune va faire grand bruit. Publiée dans les colonnes du journal Libération, elle est signée Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali. Un cri du cœur qui commence par ces mots. Nos œuvres ont droit de citer là où nous sommes, dans l'ensemble, interdit de séjour. Nous sommes en 2006, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et les mots « racaille, immigration choisie et bienfait de la colonisation » s'insinuent dangereusement dans le débat. Au micro de France Inter, Aminata Traoré foule les dalles de Kebranli, la rage au ventre. Qu'est-ce qui nous vaut notre présence ici? C'est le résultat d'une histoire entre la France et nous, qui a été une histoire de violence, une histoire de prédation. Nous, on n'a rien pris pratiquement, sauf bon, ce qu'on veut bien nous laisser. Moi, j'aurais été beaucoup plus à l'aise si tout cela amenait effectivement nos amis du Nord en général et la France en particulier à poser correctement la question noire, arabe et autres, la question coloniale. Le regard qu'on pose sur moi dans la rue n'a strictement rien à voir avec la fascination qu'on peut avoir pour ces objets. Est-ce qu'on me respecte davantage parce que ces objets sont ici ? Ces critiques émanant d'une ancienne responsable politique africaine ne sont pas les premières. Elles émergent dès les années 70, lorsque la fin de la colonisation voit naître de nouveaux États indépendants, soucieux désormais de valoriser leur patrimoine culturel. Mais quel patrimoine au juste ? Selon les experts, plus de 90% des pièces majeures d'Afrique subsaharienne se trouvent en dehors du continent, disséminées dans le monde entier. Tour à tour, données, extorquées, pillées, vendues aux plus offrants et aux trafiquants, aujourd'hui encore. Après la faute à la guerre et à la décolonisation, la dispersion de l'art africain est désormais une conséquence directe des méthodes du marché de l'art. C'est bien le cas des sculptures Nok, par exemple, une affaire qui a agité les collections du musée du Quai Branly. En 2000, 3 terres cuites provenant du Nigeria sont acquises par le musée, alors en chantier. Des statues rares, extrêmement chères, provenant d'une civilisation millénaire dont on ne connaît quasiment rien. Légalement pourtant, elles appartiennent à l'État nigérian qui en a officiellement interdit la sortie. Oui, ce qui ne les empêche pas de circuler sur le marché. Interlope de l'art primitif et de finir au Quai Branly. Le 15 novembre 2000, l'UNESCO lance le signal d'alarme et accuse la France. Voilà les objets de la polémique. Les 3 splendides terres cuites nigérianes exposées au Louvre en préfiguration du futur musée des arts premiers. Hier, à l'UNESCO à Paris, le Lord qui dirige l'Institut d'archéologie de Cambridge, autorité en la matière, a pointé l'index sur la France. Nous aurions fait légitimer par le Nigeria l'acquisition sur le marché illicite des 3 œuvres. Autrement dit, la France exposerait des œuvres pillées et achetées sur le circuit clandestin. Le président du musée du Quai Branly, dont le chantier débutera au printemps, repousse catégoriquement l'accusation. Nous avons demandé et obtenu du gouvernement du Nigeria une autorisation exceptionnelle pour acheter 3 sculptures pour le Louvre, dans le cadre du Louvre et dans le cadre de cette opération. Un accord est finalement conclu. Le Nigeria reste propriétaire des 3 œuvres, le musée français les garde, simplement, en dépôt, en attendant, pour 25 ans renouvelables, ce qui ressemble furieusement à du provisoire définitif. Voilà le Quai Branly. Branly n'étant pas encore sorti de terre, que ses fondations tremblent déjà. Et 16 ans plus tard, le séisme est déclaré, pour de bon cette fois. Souvenez-vous des trésors du royaume de Dahomey, l'actuel Bénin, pillé en 1894 pendant la guerre de colonisation dont nous avons parlé en début de récit. Eh bien, elles sont aujourd'hui encore exposées au Quai Branly comme ces trois statues anthropomorphes de taille humaine à la gloire des rois traditionnels Gezo, Glélé et Beanzin. Il y a aussi les trônes, autels, portatifs, récades et autres portes sacrées du palais d'Abomey. Depuis la décolonisation, les descendants de la famille royale réclament la restitution de ces œuvres, en vain. Les autorités françaises répètent d'ailleurs volontiers que le Bénin n'en a jamais fait la demande officielle. Oui, jusqu'au 27 juillet 2016. Ce jour-là, le Conseil des ministres béninois, réuni à Cotonou par le président Patrice Talon, décide d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à certaines restitutions. Un coup de tonnerre en plein été. Alors que la réponse de Paris se fait attendre, devant le Quai Branly, les journalistes tendent leur micro aux visiteurs du jour et posent cette question. Faut-il rendre à l'Afrique les biens pillés pendant la colonisation ? Ben oui, parce qu'en fait on les a volés. C'est imaginer qu'on dépaisse l'intérieur d'un château en France, acheté par des étrangers, en plus en payant. Nous serions scandalisés. C'est ce qu'on a fait avec bonne ou mauvaise conscience il y a un siècle et demi. On ne se rendait pas compte. Et on considérait que ce n'était pas de la culture. Voilà. Eh bien, je dirais qu'à cette question, on ne peut pas répondre de manière catégorique. Tout dépend de différentes choses. D'abord, peut-être le pays d'origine de ces œuvres et de ses liens avec la France. Tout dépend de la nature des œuvres d'art. Tout dépend aussi de la méthode d'acquisition de ces œuvres. On vient de faire la visite là, de ce musée. Je trouve que c'est intéressant de voir les œuvres qui sont prêtées momentanément et qui retournent ensuite dans leur pays d'origine. Cinq mois plus tard, le 12 décembre 2016, une lettre arrive enfin sur le bureau d'Aurélien Aguenonci, ministre béninois des Affaires étrangères. Elle est signée de son homologue français, Jean-Marc Hérault, qui explique, je cite au mot près, que les biens évoqués ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public de l'État français. En conséquence, leur restitution n'est pas possible. Voilà, circulé, sèchement classé, l'affaire dite des biens culturels mal acquis aurait pu en rester là. Mais la question est sensible et fait écho aux nombreuses demandes formulées par les anciens pays colonisés depuis des décennies. Tous se sont jusqu'ici heurtés à une fin de non-recevoir, à de rares exceptions près. Alors en France, le grand conseil représentatif des associations noires de France, présidé par Louis-Georges Thin, soutenu par un collectif de députés français béninois, ralliés par les rois traditionnels du Bénin, se saisissent de l'affaire et la tension monte entre Paris et Cotonou. Comment la France, et plus largement les pays occidentaux, justifient-ils la non-restitution des objets spoliés ? Eh bien, le premier argument est juridique. Jean-Marc Hérault le rappelle, les collections nationales sont inaliénables et insaisissables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues ou cédées. Depuis la Convention de La Haye de 1954, cependant, il existe des dispositions du droit international pour permettre les restitutions d'œuvres qui ont été justement mal acquises. Le deuxième argument est que ces œuvres seraient mieux préservées, plus en sécurité chez nous qu'en Afrique. N'importe quoi, s'emporte Louis-Georges Thin du Cran. C'est comme si le voleur d'un bijou disait à sa victime « Je ne peux pas te le rendre parce que ton coffre-fort n'est pas assez sécurisé ». Un an et demi de polémique plus tard et un dialogue au point mort, la France change brutalement de position en même temps qu'elle change de président. Le 29 novembre 2017, Emmanuel Macron, en visite à Ouagadougou, fait une déclaration historique. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Depuis, une mission de réflexion sur la restitution du patrimoine africain a été confiée à l'historienne d'art Bénédicte Savoie, membre des Collèges de France, et à l'universitaire sénégalais Félouine Sahar. C'est un immense chantier qui s'ouvre, où se mêlent questions éthiques et enjeux de droit. Pour les pays africains aussi, c'est un défi sans précédent. Ils devront mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la conservation des biens, la valorisation du patrimoine et la formation des personnels et des publics. C'est la mémoire de l'Afrique qui est en jeu. L'opportunité peut-être de s'interroger sur les questions fondamentales jadis posées par le Musée de l'Homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les biens mal acquis, ou certains biens mal acquis, en tout cas du musée du Quai Branly, avec notre invité Didier Rickner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com et co-auteur avec Corinne Herskovitch du livre intitulé « La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses » publié chez Azan en 2011. Ça, c'est le cœur de la question, parce qu'il y a comment restituer, mais il y a d'abord une première question. Faut-il restituer? Et c'est la question que je vous pose, parce que je vois solution, ok, mais je vois aussi impasse. Alors, dans le cas, je pense qu'il faut peut-être, par rapport au reportage que je viens d'entendre et à l'histoire que vous avez racontée, peut-être rectifier certaines choses, ou du moins préciser certaines choses. Préciser. Allez, préciser, d'accord. On parle du roi Béhanzin, Béhanzin. Oui, que j'appelle moi Béhanzin. Voilà. Enfin, bon. Et on écoute une histoire absolument édifiante du pauvre roi africain et de la pauvre population africaine massacrée par les méchants blancs qui viennent. Mais c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Il faut savoir déjà que le père du roi Béhanzin, et Béhanzin lui-même, Glélé, son père, et lui-même, sont des rois esclavagistes, il faut savoir, qui avaient des esclaves avec eux. Qui a libéré les esclaves de Béhanzin? Qui a mis le feu aux récoltes autour de, quand il y a eu la prise de la ville et du palais d'Abomey? Eh bien, ce sont les esclaves libérés par le colonel Dodds. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on raconte, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que les esclaves ont été libérés. Là, j'ai sous les yeux une photo d'une statue représentant le roi Oyingin, qui est la place du centenaire de la Renaissance de Kétou, qui est une ville très au sud du Bénin. La Renaissance, 1894, le centenaire. 1894, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Béhanzin a été déposé par les Français. Et Kétou, cette ville qui avait été, dont les rois avaient été massacrés par Béhanzin et la population amenée en esclavage, célèbre quoi? La libération par les Français. Donc il faut quand même... Je pense, quand on parle de restitution, on a l'air de dire qu'on a tout volé. et que finalement, il faut réparer ce qui s'est passé, c'est-à-dire réparer la colonisation, les massacres, etc. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Non, ça, mais qu'est-ce qu'on n'a pas volé alors? Par exemple, on n'a pas volé ça. Ouais. Ce sont des prises de guerre. Ah, prises c'est de... Attendez, attendez, attendez, la différence est assez simple. Déjà, le palais... Non, je ne débat pas avec vous. Hein. Je vous pose des questions et je vous écoute. Je suis ni d'un côté ni de l'autre. Tout à fait. Bien on entendu, pas en débat, non, tout à fait. On n'est pas en débat. Mais c'est parce que j'ai débattu déjà avec des personnes qui, effectivement, parfois, nient cela. Quand Béhanzin est parti, il a mis le feu au palais. Et les sculptures qui ont été prises et volées comme prises de guerre, effectivement, par le colonel Dodds, étaient dans ce palais. Donc, on les a, quelque part, un petit peu sauvées. Il faut savoir que dans ces sculptures, il y avait, par exemple, la statue du roi Gou, qui est exposée actuellement, non pas au Quai Branly, mais dans le pavillon des sessions du Louvre. Cette statue, elle avait été pillée par Béhanzin à un royaume plus au nord, à Doumé. Donc, tout cela, vous voyez, on rend à qui aux descendants de Béhanzin, on rend... Tout cela est assez compliqué. Donc, ce sont effectivement des œuvres qui ont été emportées. Mais il faut savoir que dans les œuvres, vous parliez tout à l'heure de la mission 3000 œuvres. 3000 œuvres, c'est très très peu. Alors, quelles étaient celles-ci forcées, qu'on les ait pas volées, mais c'est réquisitionnées. Leur portée symbolique, en tout cas. Voilà, réquisitionnées, tout à fait. Peut-être. Mais sur 350 000 œuvres, ça fait des réserves du Quai Branly, ça ne fait pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'œuvres, il y a des œuvres qui ont été pillées, effectivement, des œuvres pillées comme prise de guerre, qui étaient légales à l'époque. Je le rappelle, c'était légal. C'est ce qui s'est passé de tout temps. Mais enfin, ce qui est légal n'est pas forcément moral, et on peut aussi si on se place sur le terrain dans la restitution. Tout à fait, mais si on se place sur le terrain moral, je vous ai expliqué pourquoi c'était pas forcément forcément moral, qui étaient les bons, qui étaient les méchants, c'était assez compliqué. Donc ces œuvres, elles ont été en partie pillées, en partie achetées, en partie collectées parce que et pas forcément d'ailleurs pendant la période coloniale, mais aussi pendant la période post-coloniale. Donc ça, c'est la première chose. Ces œuvres aussi, elles sont devenues des objets de musée. Pourquoi ? Parce que le musée, qui est une invention européenne, c'est la création des musées et c'est les Européens qui ont transformé ça en objet de musée. Vous allez reprendre l'argument de vos œuvres seront mieux protégées si elles sont chez nous ? Ah non, c'est pas un argument, c'est pas cet argument que je reprends, même si cet argument est important, on pourrait y revenir, il est important. Mais quand j'entends M. Tain, il dit c'est le voleur qui dit, etc. Là, il faut d'abord considérer que les œuvres ont été volées. Comme je vous le dis, elles n'ont une grande majorité pas été volée. Alors ça veut dire, pardon, je vous coupe un peu parce que on n'a pas 3 heures, mais ça veut dire que à la question faut-il les restituer, vous répondez non, forcément. Alors je réponds non pour la plupart des œuvres, effectivement. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer, qu'il ne faut pas les prêter largement, qu'il ne faut pas aider les musées à les exposer. Mais tout à fait. Mais sur la question de la restitution, oui, je dis pour les œuvres des musées conservées dans les musées européens, pour une grande part, oui, non, il ne faut pas les restituer. Tout à fait, oui, ça c'est clair. Je suis tout à fait sur cette position-là. Donc, quand vous avez entendu Emmanuel Macron dire en novembre 2017 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, d'ici 5 ans, je veux que les conditions soient réunies pour un retour du patrimoine africain à l'Afrique, vous avez dit. Je me suis dit qu'il ne connaît pas ce sujet. Je me suis dit qu'il ne connaît pas vraiment le sujet. D'abord, le patrimoine africain, l'art africain, qu'est-ce que c'est? C'est très englobant, le dire le patrimoine africain. C'est très englobant. Tout à fait. Donc, il y a eu des cas, effectivement, de réels pillages, tout à fait, il y en a certainement eu. Encore une fois, dans le cas du palais d'Abomey, ça peut se discuter. Maintenant, il y a aussi, effectivement, la loi qui est que les œuvres des musées français sont inaliénables. Il faut savoir qu'il y a des lois internationales, vous avez fait allusion dans le reportage. Inaliénables, effectivement. Ouais, mais depuis 70, effectivement, les œuvres qui ont été volées depuis 70, qui sont volées, encore faut-il d'ailleurs... Mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans, qu'elles soient, c'est la loi, c'est-à-dire qu'elles aient été notifiées par le pays comme étant des œuvres qui ne pouvaient pas sortir du pays. Donc il y a des choses qui sont peut-être exportées illégalement, il aurait fallu qu'elles étaient, bon, peu importe. Mais quand vous parlez par exemple des masques ou des terres cuites, ou de choses qui sont volées actuellement, évidemment il faut les rendre, c'est deux choses différentes. Une loi internationale qui s'est mise au fur et à mesure et qu'il faut évidemment respecter. Et puis il y a ce qui s'est passé pendant la période précédente. Je voudrais rajouter une chose. Les pays africains disent on construit des musées, ils sont vides. Mais il y a beaucoup d'œuvres africaines et souvent pas chères du tout. Quelques milliers d'euros, des œuvres importantes qui passent sur le marché de l'art. Moi je me pose la question, pourquoi est-ce que ces musées qu'on construit, les Africains n'achètent aucune œuvre? Est-ce qu'ils attendent qu'on les restitue toutes ou est-ce qu'ils ne pourraient pas acheter ces œuvres? Deuxième question, on parle de musées. Ils vont pas acheter ce qui leur appartient. Ah ça c'est parce que vous considérez qu'elles leur appartiennent, mais les œuvres sur le marché. Okay. Est-ce que ça veut dire que toutes les œuvres? Non, mais c'est intéressant parce que même les personnes qui font des réclamations de restitution, ils ne disent pas toutes les œuvres nous appartiennent, rendez-nous tout. Même eux ne font pas ça. Donc les œuvres qui qui sont sur le marché de l'art, pourquoi ne les achète-t-il pas ? Alors parlons pas d'art africain, parlons d'art en général. Oui. Il est curieux finalement, et quelque part ça renvoie beaucoup à un certain nationalisme qui est assez inquiétant, je pense. Un pays d'Afrique donc ne veut montrer à ses populations que les œuvres qui viennent de ce pays. Mais il y a beaucoup d'œuvres à vendre. Pourquoi est-ce jamais ils n'ont constitué de collection d'art non africain et d'art qui ne soit pas d'art local ? Mm-hmm. C'est une question qu'on peut se poser aussi, s'il y a vraiment un amour de l'art et un intérêt pour l'art. Pourquoi est-ce que ces musées, pourquoi est-ce qu'aucun pays africain n'a pour le moment constitué de... Parce que, je pense que la réponse est simple, parce que le musée n'est pas dans les gènes africains, c'est une construction européenne. On peut très bien vivre sans musée. Alors est-ce qu'on a les mêmes problèmes, par exemple, avec les pièces venant des civilisations précolombiennes ? Par exemple, ou d'autres venant d'autres horizons. On peut avoir les mêmes problèmes. Pour le moment, il n'y a pas de demande de restitution officielle des pays d'Amérique du Sud. D'abord, il y a beaucoup. Alors, on parle de 90%. C'est un chiffre qu'on reprend souvent. C'est un chiffre dont je ne sais pas personnellement d'où il vient. C'est un chiffre qui est repris comme une espèce d'antienne. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Il y a certainement une grande partie de l'art africain qui est hors d'Afrique, mais 90%, je ne sais pas. À mon avis, moins. Mais peu importe. L'art, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a en Amérique du Sud et puis dans d'autres pays, il y a encore de l'art de ces pays-là qui sont exposés. Et il y a des musées. Il y a des musées qui exposent ça. Et même en Amérique du Sud, il y a des musées d'art européen. Donc s'il y a problème, il y a problème avec l'Afrique. On est bien d'accord. Le problème, les restitutions, ce qu'on demande le plus, c'est l'art africain. Et d'ailleurs, les Africains eux-mêmes qui réclament. Qui ne sont pas d'ailleurs si nombreux, parce qu'on l'a dit, il y a une réclamation du Dahomey, mais la plupart des gens qui réclament la restitution sont beaucoup des Français d'origine béninoise et qui demandent ces restitutions. C'est un activisme de M. Tain ou de Mme Zinsou, mais la plupart des pays africains ne le demandent pas officiellement. Alors écoutez, on va voir comment on parlait de ces choses-là il y a 30 ans. Plus d'ailleurs, 40, je suis très très mauvais en calcul mental, 50 ans. On va écouter une archive qui remonte à 1966, il s'agit du discours d'ouverture par André Malraux du premier festival mondial des arts nègres, c'est comme cela qu'on disait à l'époque, c'était organisé à Dakar. L'Afrique a absolument besoin de rétablir son propre patrimoine. Il faut absolument que vous preniez entre vos mains tout ce qui fut l'Afrique, mais prenez-le en sachant que vous êtes dans la métamorphose. Puissiez-vous ne pas vous tromper sur la réalité des vieux esprits. Ils sont vraiment les esprits de l'Afrique. Ils ont été ce qu'ils ont été, ils ont beaucoup changé, mais ils sont encore là et ils seront là pour vous. Chaque fois que vous aurez besoin d'eux et que vous les interrogerez sur le plan qui est à la fois le vôtre et le leur. Il s'agit pour l'Afrique d'être présente, grâce à son art, dans le trésor de la civilisation mondiale et d'être assez libre pour concevoir son propre passé du monde. Pour comprendre André Malraux, il faut souvent relire 3 ou 4 fois. Là, vous l'avez entendu qu'une fois. Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? S'il est question de permettre aux Africains de se réapproprier leur histoire, bien sûr. Et ce que je disais encore une fois, quand je dis je suis opposé aux restitutions, en revanche, je suis très favorable à ce que les musées en cours de création éventuellement en Afrique et les musées européens collaborent de manière très, très, très forte, à la fois pour les échanges culturels, pour des prêts d'objets, pour des expositions. Il faut largement prêter les œuvres. Et on peut le faire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'œuvres en réserve dans les musées français. Donc tout cela est possible. Il faut effectivement, c'est évidemment ce que disait André Malraux, c'est très philosophique presque. Oui, à la Malraux. Et voilà. Mais autant dans la forme que sur le. Et bien sûr qu'il faut le faire. Ce n'est pas simplement rendre des objets qui ont été volés. Il y en a, à mon sens, assez peu qui ont été réellement volés. Et puis là, on peut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour tout le reste? C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple des choux de Saint-Marc. Les choux de Saint-Marc, ils étaient en Turquie. C'est les Grecs en Turquie. Donc en Turquie, ils ont été pillés par les Vénitiens qui les ont mis sur la place Saint-Marc, sur la basilique Saint-Marc. Ouais. Ensuite, ça a été pris par Napoléon, qui les a mis sur l'arc de triomphe du carrousel. Et puis, ça s'est retourné après 1815, après les fêtes de l'Empire, c'est retourné à Venise. Après tout, ces œuvres ont été volées. Elles ont été volées en Turquie. Alors, on va les rendre en Turquie. C'était il y a quand même assez longtemps. Et ensuite, mais si elles sont en Turquie, elles étaient grecques, alors est-ce qu'il ne faut pas la rendre la Grèce? La moitié aux Turcs, la moitié aux Grecs. Voilà, vous vous rendez compte que tout cela est extrêmement compliqué. Oui. Donc on parle souvent de boîte de Pandore, bon, un terme un petit peu galvaudé. Non, s'il y a une volonté politique de faire les choses, elles sont moins compliquées. En fait, je ne suis pas sûr. Bah, écoutez, pas si vous voulez faire des choses compliquées, confiez-les à des politiques. Bon, non, je vais parler de volonté politique, on va dire volonté artistique, volonté tout court. Alors, on va écouter une deuxième archive, d'accord? On a le temps? Oui, on a le temps. Nous sommes le 9 avril 1999 sur le plateau de Bouillon de Culture, animé par Bernard Pivot. La marchande et collectionneuse Hélène Leloup, éminente spécialiste des Dogons, évoque le manque de sécurité, c'est ce qu'elle met en avant, des musées africains. Ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. On pourra en parler. Ouais. La première fois que je suis allée au Mali, c'était encore une colonie française. Il y avait un charmant petit musée qui était dirigé par un Français qui s'appelait Pierre Brasseur. Et sitôt que l'indépendance a été déclarée, il m'a déclaré, et sa femme vit encore, elle peut le préciser, que dans la journée, le fils du ministre de je ne sais quoi, nouvellement nommé, s'était installé, avait commencé à vendre les objets du musée. J'ai aussi retourné après. Non, mais attends, oui. Bon, allez, le Mali est encore, maintenant, il y a un musée qui fonctionne, mais je suis très contente. Des uns n'a jamais excusé celle des autres, enfin. Non, mais le Mali, ça marche. Je sais très bien. Mais il y a un musée maintenant. Maintenant, il y a un musée. Et je me garderai bien d'acheter quoi que ce soit. Et je n'achète plus rien. Oui, mais c'est un beau geste. Si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, vous êtes en train de dire que, au fond, si pour sauver tout l'art des pays du tiers-monde, il y a des guerres civiles, il y a des gens corrompus, etc. Il faut amener tout l'art, tous les produits des fous, ouais. Tout l'amener en Occident pour le préserver. Intéressant débat, non? Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que si les œuvres d'art sont restituées, la question n'est pas effectivement de savoir, la question principale n'est pas de savoir si les musées peuvent les exposer ou non. Je dirais que ça vient en plus, parce que pour moi, c'est pas le point. Si effectivement les œuvres étaient vraiment volées, s'il fallait vraiment moralement les restituer, on les restitue après tout. Après, on espère qu'elles vont être conservées. Mais moi, déjà, dans un premier temps, vous avez compris que j'étais plutôt opposé aux restitutions. Ah oui. Il est exact, en plus, que les musées, pour le moment, sont pas les pays. Ces pays-là ne sont pas, en tout cas, la plupart de ces pays-là ne sont pas dans les conditions pour les recevoir. Je prends simplement à Abomey. Il y avait un reportage très récemment sur le palais d'Abomey où les œuvres sont conservées. Parce qu'il y a des œuvres là-bas déjà. Elles sont conservées dans des conditions absolument épouvantables que même un certain nombre de Béninois reconnaissent. Un exemple très intéressant, ce n'est pas des restitutions, ce sont des dépôts qui avaient été faits par le Musée royal d'Afrique centrale à Tervuren en Belgique qui a rendu, entre guillemets, c'était des dépôts permanents, au Musée national de Kinshasa au Zaïre dans les années 70, 114 œuvres je crois. Savez-vous combien il en reste maintenant dans ce musée? Non. Il y en a une centaine ont disparu. Elles ont disparu. Mm-hmm. Donc elles ont été restituées, disparues. Moi qui m'intéresse à la protection du patrimoine, je ne peux pas trouver ça normal. Bon, moi je ne peux pas vous contrer ou pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas allé aux Zaïre, je ne sais pas, je n'ai pas vu de mes yeux vus, donc je vous écoute. Je ne suis pas allé non plus, mais j'ai vu ce reportage avec le conservateur du local. Bon, toute dernière chose, votre regard sur le Quai Branly, on lui reproche de ne pas assez contextualiser les œuvres exposées. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? C'est tout à fait vrai. Je pense qu'on voit des beaux objets, il faut savoir aussi à quoi ils servent, c'est intéressant de savoir. Le Quai Branly est un musée qui s'est créé sur la dépouille du musée de l'homme, et je suis assez proche de ce qui a été dit à l'époque. Et effectivement, peut-être de manière inaudible, comme peut-être, d'ailleurs mon discours est inaudible, mais moi je crois à ce que je dis, donc je le dis. Vous avez la liberté de le prononcer ici. Et tout à fait, exactement, merci beaucoup, je vous en remercie. Mais c'est vrai que le musée du Quai Branly, d'ailleurs, pose d'autres problèmes. Au Quai Branly, on peut pas bouger les œuvres, parce que les vitrines sont inamovibles, donc c'est presque figé, donc ouais. On peut pas faire évoluer, on ne présente pas suffisamment effectivement les contextes, et je pense que c'est problématique. Et puis il y a beaucoup d'œuvres en réserve qu'on n'exposera pas. C'est pas un détail, mais enfin le côté surtamisé, on s'est un peu plaint de ça. Non, il faut pas le faire trop, il faut le faire avec intelligence, je pense. Didier Rickner, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, directeur de la rédaction de la Tribune de l'art.com et co-auteur avec Corinne Herskovitch du livre La restitution des œuvres d'art. Alors le sous-titre dit tout, solution et impasse. Vous avez expliqué pourquoi. Merci, au revoir. Je vous remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les biens mal acquis du musée du Quai Branly, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr, et peut-être si ça vous dit. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.